moi si tu reconnais ce flow, c'est celui de l'enfant du ghetto. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la la. Dans mon ghetto, les mots me causent dans le dos. Les minots rêvent tous d'être une légende comme Zé Béguignon. Et comme dit B2O, le rap te débarque et te claque avec des grosses plaques. Les frères restent tous solidaires face à la galère et à n'importe quel moment. Bienvenue dans mon ghetto, que tu sois rap, noir ou blanc. Quel bienvenue, que tu sois chrétien ou musulman. Ici y'a pas de règles, mais ça deal pas, ça casse pas. Ça parle jamais de politique et ça part en couille dès que ça sent la fricaille. Merde, cassons-nous. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Je suis un enfant du ghetto. J'ai grandi dans les murs du ghetto. Et comme j'ai fait guignot, le ghetto m'a vu grandir. M'a aussi appris à aimer ma mère et mes frères. Le ghetto m'a toujours aidé et m'a jamais laissé tomber. Toujours fidèle à moi-même. Personne m'a jamais vu casser des vitres. Et j'ai trop vite grandi. Le ghetto m'a appris à aimer et à détester. Mais aussi à distinguer le bien et le mal. Mon quartier sans mental. Sans oublier mon pote MSD du quartier Black. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Le septil, c'est l'enfant du ghetto. La la la la la la la la la. Ok, enfant du ghetto, dresse tout au micro. Le porte classe, c'est Marseille qui débarque, ok. Enfant des blocs, enfant des quartiers, enfant des ghettos, enfant des favelas. Dédicace à Tony Ravo.